بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Donc toujours dans Kitab al-Sira, nous allons entrer aujourd'hui dans Bab al-Ghazawat, c'est-à-dire le chapitre qui touche aux batailles, de façon résumée. Les batailles qui ont été accomplies par les muslimoun avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Taïb, qala fi dars al-Khamis wa Thamanin, qui est la 85e question. Fi su'al al-Thamin wa Thamanin wa Khamsumiyah, 588e question. Ma ya a'zam ma'arik al-Muslimin, qui est la plus grande des batailles qui a été menée par les muslimines. Il s'agit de Badr al-Kubra, la bataille de Badr, qui fut la première accomplie par les muslimines après qu'ils aient fait la hijra, et dont leur but n'était que de prendre des biens des mouchriquines. Et de là, Allah Azza wa Jal les a fait faire face à un nombre d'ennemis bien plus grand qu'eux. Non. Et comme cela est vu dans le hadith, que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, hadith Mu'az ibn Rifa'a, « Ma ta'udduna al-badrin fikum, qala min afdal muslimin au kalimat nahwaha. Qala wa kazalika man shahida badran min al-malaika. » Lorsque j'ai vu les serments du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, comment considérez-vous les gens de Badr parmi vous? Et il a dit, ils sont parmi les meilleurs des muslimines. Il lui a dit également, les malaïkas qui ont combattu avec vous. Donc les gens de Badr sont les meilleurs. Comme on l'a dit, ils viennent même en deuxième position. En troisième position, les premiers sont les muhajiroun, après sont les ansar, après sont les gens de Badr. قال في السؤال التاسع والثمانين بعد خمسمائة سبعة وثمانين كم كان عدد المسلمين في غزوة بدر؟ Quel était leur nombre lors de cette bataille? Ils étaient à peu près 300 hommes. À peu près 300 hommes. Comme dans le hadith al-Bara. Quand il dit al-Bara, qu'il est dit, alors qu'il parlait à propos des gens de Badr, alors qu'il discutait à propos des gens de Badr, et il disait, كنا أصحاب محمد نتحدث أن عدة أصحاب بدر على عدة أصحاب طالوت الذين جاوزوا معه النهر ولم جاوز معه إلا من بدعة عشرة وثلاثمائة. Qu'il est dit que nous, les gens de Badr, nous étions à l'exemple des gens qui étaient avec Talut lorsqu'il a traversé le fleuve. Lorsqu'il a traversé le fleuve, il a dit qu'il n'y avait avec eux que à peu près 300 hommes parmi les croyants, apporté par le Bukhari. Et si soit le 590e question, كم كان عدد المشركين يوم بدر? Combien était le nombre des mouchriquins, des ennemis? Ils étaient 1000 hommes. ثم قال في سؤال 91500 كم كان قتلى والأسرى من قريش يوم البدر؟ Combien furent tués et fut prisonniers parmi les gens de Quraysh le jour de Badr? Ils furent à peu près 70 tués et le même nombre de prisonniers faits captifs, comme dans le hadith al-Bara ibn Azim. Il a dit clairement, rapporté par Bukhari, qu'il a dit qu'un Nabi sallallahu alayhi wa sallam et ses ashabs min al-mushrikin yawm al-Badr 40 wa 100 70 asiran wa 70 qatila. Il a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que ses compagnons ont atteint 140 personnes, dont 70 qui ont été tués et 70 qui ont été faits prisonniers. Rapporté par le Bukhari. Thumma qala fi as-su'al al-thani wa 90 ba'd 500. 592e question. Man hum alladhina qala fihim an-nabi sallallahu alayhi wa sallam inna Allah tala 'alayhim. Fa qala i'malu ma shi'tum. Fa qad ghafartu lakum. Qui sont ceux à propos de qui Allah Azza wa Jalla a dit, ou plutôt qu'il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, que Allah a su qui vous êtes, dans le sens. Donc faites ce que vous voulez, je vous ai déjà pardonné. C'est-à-dire Allah Azza wa Jalla leur dit que faites ce que vous voulez, je vous ai déjà pardonné. Il s'agit de les gens de Badr, justement dans le hadith de Ali, et il cita cette parole-là du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Après qu'ils aient voulu attraper un sahabi, j'ai oublié le nom sur le moment, qui allait informer les mouchilikines du plan du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils l'ont rattrapé, ils l'ont dit pour, ils l'ont rattrapé, et ils l'ont ramené auprès du prophète. Plutôt, ils ont rattrapé la femme qu'il avait envoyée pour donner le message à Quraysh du plan du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsqu'ils l'ont interrogé, ils lui ont dit pourquoi tu fais cela. Il dit parce que moi j'ai des gens, vous êtes tous partis de Mecca, il dit moi j'ai encore des gens qui sont en Mecca, de ma famille, de mes proches, et je n'ai personne qui les protège. Donc j'ai peur que j'ai voulu que les gens de Quraysh, là-bas sur place, ne s'en prennent pas à eux. Et vous, je sais qu'ils ne vous nuiront en rien. Donc j'ai fait cela, et je savais que de toute façon, même si je leur disais ce qui allait arriver, que vous étiez les vainqueurs dans le sens. Et après je crois que c'est Omar, si je ne me trompe pas, ou un des sahabis qui a voulu l'exécuter. Et Nabi Sallam, il a dit la phrase là. Car cet homme-là faisait partie des gens de Badr. ثم قال في سؤال 93 بعد 500 593 question ما سورة التي شرحت أحداث معركة بدر بالتفصيل qui est dans quelle sourate les faits de Badr ont été cités en détail. Il s'agit de sourate Al-Anfal, le butin. Sourate Al-Anfal, le butin. نعم. هذا الذي ردنا اليوم brièvement par rapport à la bataille de Badr. فالحمد لله رب العالمين.